En Corée, le séminaire national sur l'efficacité d'application de la technique de méthode agricole de protection en République populaire démocratique de Corée a eu lieu le 30 et 31 août à l'Institut de la culture maraîchère de Pyongyang, relevant de l'Académie agronomique. Y ont pris part les fonctionnaires et chercheurs de l'Académie agronomique, des ministères et des établissements centraux, des domaines de recherche scientifique et de l'enseignement et des secteurs intéressés. Y ont été présents également les diplomates étrangers en Corée, l'ambassadeur suédois, le coordinateur permanent des Nations Unies et représentant permanent du programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que les officiels des représentations des institutions internationales comme la représentation de coopération de l'Union européenne.